Ça change rien, ça continue à fonctionner comme il faut. C'est pas pour ce que je comprends mal que ça fonctionne mal. Même si je comprends mal comment Dieu fonctionne, ça n'empêche pas Dieu de bien fonctionner. Parce que sans ça, Dieu sera limité par notre compréhension. Donc, c'est encourageant de savoir que même si nous, on ne comprend pas tout, lui fonctionne parfaitement selon son plan. Et de la même façon, le corps humain fonctionne, même si je ne comprends pas comment il fonctionne. Même si je ne sais pas comment ça fonctionne, la respiration, en sortant du sein maternel, on commence à respirer, même si on ne sait pas comment ça fonctionne. Parce que Dieu est au contrôle, Dieu a fait ça d'une telle façon que ça fonctionne, sans qu'on comprenne comment ça fonctionne. Et on a commencé à voir la dernière fois que je suis venu vous voir, il y a un mois, que le Saint-Esprit, qui est la personne de Dieu, fonctionne, fait des choses d'une façon parfaite, selon le plan de Dieu, même si nous, on ne comprend pas tout comment il fonctionne. On en a vu une liste de choses qu'il fait, sans même qu'on sache qu'il existe. Et même avant qu'on sache qu'il existe, il a déjà commencé à œuvrer en nous, pour nous emmener à croire, à comprendre les Écritures, pour nous aider à se repentir, à avoir la foi. C'est tout lui qui a fait ça en nous. Et là, finalement, on a crié dans nos babillements, « Je crois ». Et je suis convaincu, même si je ne vous connais pas tous, quand vous avez dit « Je crois », il y a un paquet de choses dans ce que vous avez dit que ce n'était pas tout clair. Votre « Je crois », là, si je vous avais demandé à ce moment-là, « En quoi tu crois? C'est qui ça? Comment ça va marcher? » Je ne comprends pas tout. Mais vous avez dit, par la puissance de l'Esprit, « Je crois ». Et l'œuvre de Dieu a commencé en vous et en moi. Et la Bible nous garantit ce qui a commencé et va l'emmener à la perfection. À la perfection. Il a commencé un œuvre en nous qui va mener à la perfection. Parce que Dieu n'est pas capable de faire rien qui n'est pas parfait. Quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. Donc si nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes des créatures parfaites en Dieu. Et ce qui va terminer en nous, peu importe quand, ça va se terminer pour chacun de nous individuellement, et globalement en tant qu'Église, quand il va présenter, la Bible nous dit que Jésus va présenter son Église, son épouse, à son Père. Et ça va être parfait. Ça va être parfait. Elle n'aura pas la robe déchirée, puis les taches chimiques. Elle n'aura pas ça du tout, du tout. Elle va être parfaite. Moi, je me réjouis souvent dans ces moments-là où est-ce que je regarde l'Église, je me regarde dans le miroir, puis je vois plein d'imperfections. Plein d'imperfections. Et Dieu me dit, c'est parce que tu ne regardes pas avec les bons yeux, Manette. Si tu regardais avec mes yeux, tu verrais qu'elle est parfaite. Vous avez déjà parlé peut-être avec des conjoints. Ils parlent de leur conjoint, ils disent, ah, elle est parfaite. Toi, tu la regardes, moi, je ne vois pas ça parfait. Mais Dieu nous regarde et dit qu'on est parfait en Jésus. Donc, on a vu ça, que l'Esprit faisait des choses en nous. Si vous n'avez pas entendu ou vu, vous n'étiez pas là la dernière fois que je suis venu, vous pouvez aller sur le site de Patrick et vous allez pouvoir écouter le premier étude sur cet Esprit. On a vu ensemble que aussi qu'il fait des œuvres en nous qui sont ponctuelles et d'autres œuvres qu'il fait en nous qui sont continuelles. Ponctuelles veut dire qu'il fait une fois dans notre vie et c'est terminé. D'autres œuvres qui fait en nous cet esprit-là, c'est continuellement tout au long de notre vie chrétienne. OK? Donc, on a vu ça ensemble. Et ce matin, on va aller un autre pas plus loin, on va regarder ensemble tout ce débat qu'il y a dans les églises par rapport à être rempli du Saint-Esprit. Tout un débat. Depuis 2000 ans, respect ou un peu plus de l'Église. On parle de cela, puis on discute, pour être poli, des fois on s'ostile, des fois on se chicane, des fois on se divise même sur ce sujet-là. Sur ce sujet, il y a eu des divisions dans les églises par rapport au baptême de l'Esprit, par rapport aux effets de l'Esprit en nous. C'est pas tout le monde qui est d'accord. Là. Qu'est-ce que l'Esprit fait en nous quand il vient habiter en nous? On va voir ça, je pense que c'est le 19, prochain fois je reviens, on va voir les effets de l'Esprit en nous. Et là, on va voir qu'est-ce que ça veut dire être rempli de l'Esprit. Un jour, j'étais dans un groupe de chrétiens, puis on va voir une bonne question, c'était la première question qui a posé, qu'est-ce que ça veut dire, ça, être rempli de l'Esprit? Qu'est-ce que je dois faire pour être rempli de l'Esprit? Qu'est-ce que je ne dois pas faire pour être rempli de l'Esprit? Et on va en parler aujourd'hui de cela. Pour ce faire, vous allez tourner avec moi dans votre Bible, dans Acte 2, on va lire un texte, maintenant on va lire plusieurs textes ce matin, mais on va lire celui-là comme la base. La première fois que c'est arrivé, la première fois que c'est arrivé dans la Nouvelle Alliance, parce que c'est arrivé dans l'Ancienne Alliance aussi, mais pas tout à fait de la même manière. OK? Acte 2, verset 1, jusqu'au verset 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ça le lire bien fort, s'il vous plaît? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ça, c'est la première fois dans la Nouvelle Alliance où est-ce qu'on rencontre cette expression-là, à être rempli de l'Esprit. Première fois. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Qu'est-ce qu'ils ont vécu, ces chrétiens-là? Est-ce qu'on peut s'attendre, nous? Est-ce que c'est la même chose pour nous? Est-ce que c'était un phénomène spécial? Pour eux, on va essayer de démêler ça un petit peu ce matin dans cet ensemble-là. Je vais vous donner différentes interprétations de différents hommes de Dieu qui définissent c'est quoi le Saint-Esprit, c'est quoi être rempli de l'Esprit. Et vous allez voir que parmi les croyants, il y a bien des divergences d'opinion. Peut-être que vous allez vous retrouver dans l'une de ceux-là, ah, mais ça c'est moi, moi je pense ça comme ça. Et si à la fin vous décidez de garder cette position-là, vous êtes libre de le faire, c'est bien entendu. Donc, je ne crois pas que cet esprit a tant de façons de mettre, vous avez une explication. De faire 2 000 ans que ça roule, donc il y a différentes façons de voir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, même si on ne comprend pas tout pareil, ça n'empêche pas lui de faire ce qu'il a à faire. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Sans ça, on dirait bien. Si je ne comprends pas bien, puis si je ne fonctionne pas comme il faut, si je ne fais pas toutes les petites choses, peut-être que je manque le bateau, là. Non. C'est juste, quand on comprend bien, c'est où ce que ça fait, c'est juste plus agréable. Je comprends comment ça fonctionne. Ça ne change pas le fonctionnement, mais je comprends comment ça fonctionne. Et des fois, quand il y a quelque chose qui brise chez nous, nous, aujourd'hui, il y avait des gouttes d'eau qui tombaient dans la cage. On n'aime pas ça. Ça tombe. Tu sais. Là, je démarche toute la plateforme avec ma flashlight. J'adore d'accepter. Je ne trouvais pas où ce que ça venait. Puis quand j'étais en bas, ça ne coulait plus. Quand je montais en haut, ça se mettait à couler en bas. C'est un lien quelque part, quelque chose que je fais qui ne marche pas. Mais quand j'ai eu compris qu'est-ce qui se passait, ça n'a rien changé. C'était encore pareil. Mais au moins, je comprenais que je n'étais pas pour vivre un déluge. OK? Et là, finalement, à un moment donné, j'ai dit à ma femme, tu vas monter dans la chambre de bain, tu vas aller prendre ta douche. Et puis pendant qu'elle prenait sa douche, là, j'ai dit, ah, ça vient de la douche. Mais ça ne changeait pas la situation. Mais vu que je comprenais la situation, ma vie était plus agréable parce que je savais ce qui se passait, comment ça se passait. Je savais tout d'un coup qu'est-ce que je devais faire pour régler le problème, mais je le comprenais. Et dans, avec Dieu, quand on comprend comment Dieu fonctionne et qu'est-ce qu'il est en train de faire, ça nous aide, nous, être plus en paix, plus on se sent plus sûr, on peut le louer mieux, on peut le glorifier mieux, parce que là, on comprend comment il fonctionne. Mais ça ne l'empêche pas de fonctionner si on ne comprend pas tout ce qui se passe. Parce que pas un de nous ici qui peut lever la main et dire « Moi, je comprends tout comment Dieu fonctionne. » Si tu es comme ça, ce matin, dis-le dessus. Tu vas aller masser, je vais t'emmener en avant et tu vas nous parler. Il n'y en a pas un de nous qui peut dire ça. Mais malgré qu'on sait que Dieu va accomplir le plan qu'il a prévu pour le monde entier, pour la vie. Même si on comprend pas tout comment ça fonctionne. Un nommé Stott, quand il parle du Saint-Esprit, il dit ceci. Il dit que le seul moyen d'être en vue du Saint-Esprit est de venir à Jésus constamment pour boire afin que l'eau coule comme un fleuve pour nous. Donc il dit, si tu veux être, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, il faut que tu viennes continuellement, quotidiennement à Jésus afin de boire de l'eau de vie. Et si tu en bois, ben, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est M. Stott qui dit ça dans ses livres. Un autre monsieur qui s'appelle Sanders, il dit, si tu veux être rempli de Saint-Esprit, il faut premièrement, lui il y a cinq choses. Il faut aspirer à l'être. Il faut désirer avoir la puissance pour servir Dieu. Donc, la première chose que pour être rempli de Saint-Esprit, il faut que tu désires fortement. Il faut que tu y aspires beaucoup. Deuxièmement, il dit, il faut reconnaître que nous ne sommes pas remplis. Et il faut le confesser, c'est un péché de ne pas l'être. Et là, tu confesses le péché de ne pas être rempli. Et là, tu demandes à Dieu de te remplir. Tu demandes au Saint-Esprit de te remplir. Troisième, il faut abandonner tout péché connu de notre vie. Tous les péchés que tu sais que tu fais, il faut que tu les abandonnes. Sans ça, tu ne seras pas rempli du Saint-Esprit. Moi, c'est tout, ça va être dur, hein, tu commences à dire, je ne veux pas être dans ce gang-là. C'est pas. Mais pourtant, c'est des hommes qui connaissent Dieu. C'est des gens qui sont dans l'Église de Dieu. Quatrièmement, il dit, il faut que Christ soit sur le trône de ta vie. Et que le moi, ton moi, soit détrôné. C'est-à-dire qu'il faut que tu laisses Jésus être le roi de ta vie, le maître de ta vie, sur le trône de ta vie. Cinquièmement, il faut s'approprier la promesse de Dieu qui s'accomplira en nous, si nous les faisons, les quatre premières. Si je fais les quatre premières, Dieu va permettre que je sois rempli de son esprit. Donc, si je répète, il faut que tu l'aspires, il faut que tu le désires, il faut que tu reconnaisses que tu n'es pas et que tu confesses que c'est un péché de ne pas l'être. Il faut que tu abandonnes tous les péchés que tu as dans ta vie. Et il faut que tu détrônes Jésus, détrônes le moi et mettes Jésus sur le trône. C'est une façon que lui croit dans son livre. Ralph Challis, peut-être certains d'entre vous connaissent dans son livre « Explosion de vie », à la page 20, il dit « Dans la mesure où tu céderas ta volonté, tes sentiments, ton corps, à l'autorité du Christ, tu trouveras que le Saint-Esprit te remplit. » Donc, il dit, si tu cèdes ta volonté, tes sentiments, ton corps, à l'autorité de Jésus-Christ, tu vas t'apercevoir que le Saint-Esprit va te remplir. Donc, ces trois qu'on a vus, je ne sais pas si vous avez remarqué, les trois premiers qu'on a vus, ça dépend de vous. C'est ça qu'on a vu. Les trois ont dit la même chose de différentes façons, mais ça dépend de vous. M. MacArthur, il dit que c'est de laisser l'Esprit nous remplir, non pas comme un verre d'eau, mais plutôt comme du sel qui s'imprègne dans un morceau de viande. C'est plutôt, comment est-ce qu'on appelle ça, les madames? Mariné. C'est d'être mariné dans l'esprit. Être rempli de l'esprit, c'est qu'on se laisse imprégner de l'esprit. C'est de vivre comme si on vivait dans la présence de Jésus. Si on vit comme si on était dans la présence de Jésus tout le temps, on va être rempli de l'esprit. C'est un peu compliqué à comprendre dans ma tête. Je dis, comment je fais ça? Mais la question qui me viendrait le plus, je dirais, est-ce qu'il n'est pas toujours là? Est-ce que Jésus n'est pas toujours dans mon cœur à moi? S'il est toujours dans mon cœur à moi, je ne peux pas m'éloigner, je ne peux pas m'en aller, je ne peux pas lui dire le matin, Aujourd'hui, Seigneur, je voudrais vivre une journée sans toi. Ça va. Va en vacances, va à la plage, va faire un tour à quelque part, va à Val-d'Or. Je ne peux pas dire ça à Jésus, je ne peux pas lui dire de sortir. Il est rentré pour l'éternité. Il est là pour toujours. Donc, je vais te dire à comprendre cet enseignement-là. Mais je ne suis pas, frère. Essaye de me suivre. Pardonnez-moi pas, hein. Il faut se l'approprier par la foi en priant. C'est donc, sinon méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Donc, si tu demandes à Dieu dans la prière de te remplir du Saint-Esprit, il va te remplir. Il faut que tu marches par la foi. Tu te mets à genoux, tu pries, remplis-moi, et il va te remplir. C'est ce qu'il lui dit. M. Schaeffer dit, le Saint-Esprit est venu pour nous remplir. C'est pourquoi il n'est pas besoin de l'implorer. C'est lui qui implore le croyant, afin qu'il enlève de son propre cœur tous les obstacles à la plénitude. Je vais répéter ça à nouveau. Il dit, le Saint-Esprit, il est là pour nous remplir. Donc, ce n'est pas nous qui devons l'implorer, mais c'est lui qui nous implore, c'est le Saint-Esprit qui nous demande d'enlever de notre vie les obstacles à la plénitude. Donc, enlève les péchés de ta vie. Le Saint-Esprit dit à Daniel, Daniel, enlève les péchés de ta vie et je vais t'enlever. C'est cet esprit qui te pousse à le demander. Bon, voilà. J'ai épuisé. Ce que je voulais vous parler, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Et tout ce que je voulais faire ressortir, toutes ces personnes-là disent que c'est ton œuvre à toi. Tu dois, toi, faire de quoi pour que l'Esprit te remplisse. Et maintenant, on va regarder les Écritures. Moi, je vais essayer de vous montrer, de vous dire, de convaincre que ça ne dépend pas de vous. C'est un acte souverain de Dieu, de vous, d'être rempli de son esprit. Je ne peux pas, moi, faire de quoi pour être rempli. Mais parce que je vais être rempli, je vais faire de quoi. OK? C'est pas mal différent. Dans l'Ancien Testament, je vais vous lire, c'est là qu'il y a de la tournée, dans Exode 31, verset 13, Dieu parle, quand ils sont en train de bâtir la tente d'assignation ou de bâtir le temple, et il dit, Dieu dit ceci, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Dieu dit, j'ai rempli cette personne-là, de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, pour qu'elle puisse faire des choses dans le temple que je veux construire. Donc, c'est Dieu qui a rempli cet ouvrier-là, parce que ça, c'était des ouvriers, je pense qu'ils travaillaient l'or, le métal, c'est dans le contexte que je me souviens bien. Dans Exode 35, verset 31, il dit, « Il, Dieu, l'a rempli de l'Esprit de Dieu, encore une fois, de sagesse et d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Encore une fois, Dieu parle d'un autre homme, il dit, je l'ai rempli du Saint-Esprit, afin qu'il puisse faire les œuvres que moi je lui fasse dans le temple. Et moi, ça vous. C'est pas si ça vous pointe la vérité du Nouveau Testament. Dieu veut bâtir son Église. On sait que c'est lui qui bâtit l'Église. Il va équiper des hommes et des femmes. Il va les remplir du Saint-Esprit, de sagesse et d'intelligence, pour toutes sortes d'ouvrages à faire dans l'Église. C'est lui qui va nous équiper, qui va nous remplir, parce qu'il y a un projet à faire, il y a un plan à accomplir, et il sait bien que nous, les êtres humains, on ne pourra pas le faire. Il sait bien que nous, on ne sait pas, comme les gens, les hommes de ce temps-là, ne savaient pas comment faire pour bâtir le temple, ils ne savaient pas comment faire pour bâtir le temple comme Dieu le voulait, parce que ces hommes-là, c'était des professionnels dans leur métier, ils savaient faire des choses. Mais Dieu veut qu'il les fasse à leur manière, à sa façon à lui. Il veut qu'il fasse l'œuvre qu'il veut comme lui veut. Donc il dit, pour que ces hommes-là puissent faire le temps comme je veux, je vais les remplir de mon esprit, ils vont faire les choses comme je veux. Est-ce que c'est juste dans la Sainte Semaine ou c'est aussi dans le Nouveau Testament? Confession. Élisabeth, et Zacharie dans les évangiles, Là, je vous dis ça d'une façon depuis dans l'Ancien Testament. Ne vous trompez pas, quand vous lisez les évangiles, vous êtes encore dans l'Ancienne Alliance. Vous dites que mettre les évangiles dans la Nouvelle Alliance. Mais attention, les évangiles, c'est la transition vers la Nouvelle Alliance. C'est pas la Nouvelle Alliance. Encore. Il dit Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Il m'a dit Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, Jean-Baptiste, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle ne s'est pas remplie. Elle ne savait pas comment ça marchait. Elle n'avait aucune idée c'était quoi cette histoire-là. Mais elle fut remplie du Saint-Esprit à ce moment-là. Et elle a dit des vérités à Marie. Elle dit, « Le Mère de mon Seigneur me visite. » Comment pouvait-elle savoir que Marie est enceinte? Elle ne peut pas le savoir. Ça ne se voit pas de même les premières semaines, les premiers mois. Hein? Surtout pour le premier bébé. Mais elle, à cause que tu es soudainement, souverainement remplie de ce Saint-Esprit à ce moment-là, elle a su des choses, puis elle a dit des choses que Dieu voulait qu'elle dise. Son mari, Zacharie, fut rempli de ce Saint-Esprit et il prophétisa en ses mots. Quand Jean-Baptiste était le temps de lui donner son nom, Jean, ça ne peut pas Jean-Baptiste, ça s'appelle Jean. Baptiste, c'est venu après. Jean. Après qu'elle ait dit oui, il s'appelle Jean, il a écrit ça sur une petite tablette, vous vous souvenez, le Saint-Esprit l'a rempli et il s'est mis à prophétiser, il s'est mis à dire des choses sous le contrôle de l'Esprit. Il a prophétisé par rapport à cet enfant-là, Jean, et à celui que Jean annoncerait qui était Jésus, le Messie. Remarquez, ils ont subi une action. Ben, Élisabeth s'est pas mis à genoux et dire « Remplis-moi, je veux parler à Marie. » Zacharie s'est pas mis à genoux quelque part et dit « Remplis-moi, il faudrait que je prophétise. » Mais il fut rempli par Dieu, par la souveraineté de Dieu. Et il s'est mis à dire des choses en ce qui concernait la venue du Messie. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, on a lu ensemble tout à l'heure Acte 2, verset 1 au verset 4. Ça, c'est le début de la Nouvelle Alliance. C'est là que ça commence. C'est là que, pour la première fois, le Saint-Esprit va venir habiter dans des hommes et des femmes d'une façon continue. Quand Élisabeth a été remplie pour parler à Marie du Saint-Esprit, quand Marie a c'était fini ce petit moment-là, de 10 minutes, de 15 minutes. Quand elle a eu fini de dire ce qu'elle avait à dire, plus rempli. C'est fini. Quand Zacharie a eu fini de dire ce qu'elle avait à dire par rapport à Jean et au Messie, fini, c'est plus rempli. Dans ce temps-là, quand les hommes qui ont construit le temple ont eu fini de faire les œuvres que Dieu voulait qu'ils fassent, plus rempli. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait par la souveraineté de Dieu sur un homme, sur une femme, il faisait ce que Dieu voulait qu'il fasse, il disait ce que Dieu voulait qu'il dise, il prophétisait des choses des fois présentes, des choses futures que Dieu voulait qu'il dise, et quand c'était fini, parfait. C'est fini, ça ne l'est pas. C'est fini. C'était ponctuel, à un moment donné, un affaire. C'est pour ça que David va prier dans les psaumes, il va dire « Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Avez-vous déjà prié ça, vous? Si vous l'avez déjà prié, Dieu vous avait-il répondu? Ben non. Nous, on ne prie pas ça. On ne prie pas, Seigneur, ne me retire pas l'Esprit, là, parce que demain matin, il faut que je prêche. Ben non, mais cet Esprit est là en nous. Il faut y rester. Et ça, c'est dans Acte 2 que ça commence. Le Saint-Esprit vient habiter dans les croyants, puis il va y rester toute leur vie, sans jamais sortir de l'eau. Et le Saint-Esprit va agir dans la vie des croyants 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année, toute leur vie chrétienne. Sans jamais arrêter. Nous sommes toujours sous l'influence du Saint-Esprit. C'est là que ça a commencé, dans ces croyants-là. Et dans Acte 2, vous vous souvenez que Jésus avait dit, qu'est-ce qu'elle a dit aux disciples de faire dans Acte 1, en attendant Acte 2? Il dit, ne sortez pas de Jérusalem, attendez. Il va descendre une puissance d'en haut qui va venir sur vous. Et vous allez être mes témoins. Tout ce qu'il devait faire, c'est quoi? Attendre. Il n'a pas dit allez prier. Il n'a pas dit allez confesser vos péchés. Il n'a pas dit mettez-vous en règle avec Dieu. Il n'a pas dit décédez-le. Non, il dit attendez-le. C'est vous m'attendez. Il ne savait pas quand ça arriverait, il ne savait pas combien de temps, il n'était pas sûr des moments. Et à un moment donné, dans la souveraineté de Dieu, le Saint-Esprit descend et va dans les croyants. Va dans tous les croyants. Comment est-ce qu'on sait qu'il est allé dans tous les croyants, pas juste dans les apôtres? Comment est-ce qu'on sait ça? Avant ça, voilà, des lampes de feu. Il y en avait une sur tous les croyants, tous ceux qui étaient là. Apôtre ou pas apôtre, femme ou homme, tous ceux qui étaient là et qui étaient croyants, la lampe de feu est apparue sur tous les croyants. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Toute la gang qui était là, instantanément, souverainement, divinement, furent remplis de l'Esprit. Ils n'ont pas juste été baptisés du Saint-Esprit, ils ont été remplis de l'Esprit. Rempli. Et dans l'image, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous savez où dans le grec, dans la langue originale, le mot pour esprit, c'est le même mot pour le mot, c'est le mot pneuma. D'où on sort le mot pneumatique, souffle, vent. Il dit qu'il est venu comme un grand vent, comme image de la venue de son esprit, il est venu comme un grand vent qui a rempli la maison. D'où est-ce qu'il était? Si je remplirais ici l'église d'eau, on serait tous dans l'eau, on serait tous remplis d'eau, comme ça, on serait tous enrobés, on serait tous. Il y en a de l'eau tout autour de nous. Si on ouvre la bouche, en nous. Et là, juste après, c'est marqué, et ils furent tous remplis de l'esprit. Et là, il y a eu des actes après ça. Il y a eu des. Ils ont sûrement parlé en langue, sûrement à prophétiser, sûrement à parler. La gang de peureux qui étaient, qui se cachaient, sont devenus fanfarons, en guillemets, du côté positif, se sont présentés devant une foule. Mon Pierre sort de là, hey! Je veux vous parler, moi. Je sais pas comment il y en avait, il y en a 3 000 qui sont convertis. Il y en avait-tu 10 000, 20 000, 30 000? On dit qu'il y avait peut-être 100 000 personnes à ce moment-là. On dit qu'à Jérusalem, pendant la Pentecôte, il venait des millions de Juifs de l'extérieur du pays, c'était une fête obligatoire, tout le monde devait venir, tous les hommes devaient se présenter à Jérusalem, donc c'était une obligation, ils viennent par millions, ils entendent un gros bruit, tout le monde court vers le bruit, hein, c'est des vrais Québécois, ils courent tous vers le grand bruit, et là ils vont voir qu'est-ce qui se passe. Ils retrouvent une gang de gars et de filles, d'hommes et de femmes, remplis de l'Esprit Saint. Et ils ne voient pas, c'est pas visible à l'ennemi. Est-ce qu'ils ont vu les lames de feu, les gens qui sont venus? Je ne suis pas convaincu. Est-ce que pendant que Pierre prêchait, il avait encore sa lame de feu sur la tête? Pas convaincu. Pas convaincu. Je pense qu'on a entendu quelque chose là-dessus. Mais en tout cas, c'est pas marqué qu'il l'avait. Mais il l'avait un petit peu parce que tout le monde se regardait. Moi, je crois que c'était une grâce de Dieu. Parce que je vous garantis, s'il n'y avait pas eu les lames de feu, la première division, ça a eu lieu là, dans l'Église. On s'en est associé. Moi, je l'étais, toi, tu n'as pas été. Moi, j'ai le Saint-Esprit, toi, tu ne l'as pas eu. Moi, je l'ai. Mais non, il est l'homme de feu que tout le monde s'en regardait, tout le monde là. Ils se sont tous mis à parler en langue après ça. Et après, ils disent ça. Bon, on voit ça tout le monde, ça. Ça, c'est ce que je veux vous montrer, c'était un acte souverain de Dieu. Dieu l'avait prophétisé dans l'Ancien Testament, que ça l'arriverait. Et Dieu a décidé quand ça arriverait, quel jour ça arriverait, sur qui c'était pour arriver, de quelle façon. Et lorsqu'il a initié ainsi la nouvelle alliance qu'il avait promis dans l'Ancien Testament, souverainement, Dieu vient et dit, voilà, je vais faire cela. Et ils furent tous remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit, ça veut dire que quand, dans les actes des apôtres, il y a des expressions qui sont les mêmes que remplis d'esprit. Remplis de colère. Remplis de joie. Quand on dit que quelqu'un est rempli de colère, ça veut dire quoi? Que la colère le contrôle. Tu le vois par ses actes, par ses paroles, ses gestes, sa mimique, tu vas dire, oui, pas Benoît. Oui, pas Benoît. Des fois, tu vas dire, le regarder, tu l'entends. Oui, pas Benoît, là, on entend crier. Ou on entend les assets qu'on sait contre les murs. On sait qu'il est en colère, il y a des réactions à ça. Quand quelqu'un est rempli de l'esprit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'a rempli. Tout ce que Paul va dire plus loin, ne soyez pas rempli de vin. Il dit, soyez plutôt rempli de l'esprit. Donc, être rempli, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est venu de l'extérieur, qui est venu m'enlever de sa présence. Donc, le Saint-Esprit vient dans le croyant. Tout ce que Paul va dire plus loin, vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes la maison du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous éternellement. Donc, le Saint-Esprit est venu et est rentré. Faites attention quand vous dites ça aux enfants. Ils ont peur un peu. Je me souviens d'un professeur d'école du dimanche qui avait demandé aux enfants qui voulait recevoir Jésus dans son cœur. Il était avec 7-8 enfants. Là, tout le monde lève la main. Puis là, un petit gars qui ne lève pas la main. Là, la maîtresse a dit le professeur a dit que c'est là. Là. Il a entendu après la réunion, il est allé voir et il dit pourquoi ne pas lever ta main? Mais ça va faire mal. Jésus est grand, il est gros, moi je suis ici. Par où qu'il va rentrer? Quand vous dites que Dieu va rentrer en nous, que Saint-Esprit va rentrer en nous, que Jésus va rentrer en nous, les enfants ont dit, wow! C'est quoi cette affaire-là que tu parles? Il faut faire attention comment on explique ça. Parce que des fois, c'est pas parce qu'il n'aime pas Jésus, c'est parce qu'il pense que ça va faire mal. Mais qu'il va rentrer. Mais le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et il nous remplit de sa présence. Et quand il vient avec en nous, qu'il nous remplit de sa présence, il va avoir une influence sur nous. Comme si vous vous remplissez de vin cet après-midi, on vous dit, ne conduisez pas votre tour. Parce qu'il va avoir une influence sur vous, ce vin-là. Vous allez commencer à avoir 2-3 autobus. Hein? Vous allez voir les lignes qui se mettent à bouger. Là, on dit, c'est mieux que tu ne conduises pas, laisse conduire ton épouse ou ton mari, ou appelle un taxi, ou appelle les rouges, parce que toi, tu es rempli de boissons, et ça va avoir une influence sur ton comportement. Et quand on est rempli de l'esprit, ça va avoir une influence sur nous. Comment je peux bien dire ça? On est mieux d'y penser avant qu'après. Parce que vous qui êtes rentré, il est rentré. Il va commencer à vous influencer toute votre vie chrétienne. Il va vous emmener dans une direction qui va plaire à Dieu, qui va accomplir le plan de Dieu. Et ça, c'est un acte souverain. Dans Acte 9, celui-là qui a retourné dans vos Bibles, Acte 9, verset 17, c'est Paul qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et là, pendant que Jésus apparaît là, Dieu, un peu plus loin, apparaît à un nommé Ananias, puis il dit, tu vas aller parler avec Paul. Puis il lui dit ceci, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est Dieu qui veut ça. C'est pas Paul qui veut ça. Dieu dit à Ananias, va voir le gars qui s'appelle Saul dans telle maison et tu vas lui imposer les mains et il va être, je vais le remplir de son esprit. Il va être rempli de son esprit. Ça va être souverain. C'est moi qui ai décidé ça. C'est Dieu qui a arrêté Paul sur le chemin de Damas. Parce que vous savez que moi, Paul, vous avez pas voulu l'avoir comme contact. Puis moi non plus. Et même les vous convertis, les chrétiens, ils n'ont même pas le droit dans l'église. On a dit, c'est quoi ça? Il n'y a pas peur, je comprends qu'il n'y a pas peur. C'était une espèce de fanatique. Voilà. Je me souviens toujours, quand la première fois que j'ai présenté Paul à quelqu'un qui n'était pas croyant, et qui était dans une autre religion, puis lui, il l'appelait Saint-Paul. Et là, je lui ai dit, mais tu savais-tu que Saint-Paul, c'était un fanatique qui tuait du monde, qui persécutait l'église? Non, ouais, je ne sais pas. Il a été bien traumatisé de penser qu'un des apôtres avait déjà été un méchant. Hein? Parce qu'il était saint, parce qu'il avait fait une bonne vie dans sa tête. Un saint, c'est quelqu'un qui a fait une bonne vie. Mais si Dieu, souverainement, arrête pas le chemin de Damas, Paul voulait-tu être sauvé par Jésus? Paul priait-tu pour être sauvé par Jésus? Non, peut-être. pas tout. Et Dieu l'a arrêté sur le chemin de la grâce. Il dit, moi, Paul, je te veux. Moi, Paul, je t'ai choisi. Moi, Paul, je t'arrête sur le chemin de la grâce. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas être mon serviteur. Et tu vas aller proclamer dans le monde entier que mon fils que tu persécutes, c'est lui le Messie. Pour que tu puisses faire ça, je veux te remplir de mon esprit. Voyez-vous, c'est l'acte souverain de Dieu, et non pas toi qui, après être sauvé, que Paul déciderait, bon là, je devrais avoir besoin de quelque chose, j'aurais besoin de son esprit, parce que je ne pourrais pas faire. C'est Dieu qui a décidé que Paul serait rempli de son esprit. L'œuvre de Dieu est souveraine et continuelle. Peut-être que vous avez entendu dire que tu pouvais être rempli, tu n'es plus à être rempli. Tu pouvais l'être, pas l'être. Tu l'étais pendant une secousse, tout d'un coup tu ne l'étais plus. Et ça dépendait de toi. La plupart des chrétiens sont d'accord à dire que le Saint-Esprit vient en nous par un acte souverain, mais là, ils se mettent à jouer sur le fait que est-ce que j'ai un contrôle sur cet esprit-là ou pas? Est-ce que le Saint-Esprit œuvre en moi à cause de ce que je fais ou pas? Ou alors, si son œuvre en moi m'influence dans ce que je fais ou pas? Moi, je crois qu'on est rempli du Saint-Esprit une fois pour toujours. On n'est jamais plus rempli ou moins rempli. Parce que ce n'est pas du liquide, ça, cette affaire-là. Ce n'est pas du jus, ça, cette affaire-là. Il y a une soeur, au jour qu'on parlait dans un petit groupe, elle dit, François, j'ai peint de la misère à avoir le Saint-Esprit comme une personne de vie. Jésus se passait. On le voit. C'est des photos, c'est un homme, il mangeait, il se couchait, il parlait avec les gens. Ça, j'ai pas de misère à voir Jésus, c'est un homme, une personne. Dieu le Père, on a été élevés, nous autres, avec Dieu le Père, avec un vieillard, une grande barbe blanche, mais on attend. C'est pas si pire, Dieu est là. Le Saint-Esprit, j'ai de la misère à le voir comme une personne. Je le vois plutôt comme une force. Dieu va recevoir une puissance. C'est la puissance de Dieu en moi. Ben, je dis, vous faites comme on en parle, parce que c'est une personne. Êtes-vous convaincu de ça ce matin? Que c'est une personne. Quand vous me dites que vous venez me visiter, Marcel me dit, François, je vais aller te voir la semaine prochaine. Je ne m'attends pas à voir arriver deux pieds, pas le restant du corps. Je m'attends à voir arriver toute Marcel. Toute Marcel. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il vient totalement, complètement, c'est d'une personne, ça. Il vient habiter dans mon corps. Il est là totalement, tout le temps. Je ne peux pas le diminuer ou l'augmenter. C'est une personne. Il est là ou il n'est pas là. Mais Jésus a bien dit dans Jean 14, il va vous habiter éternellement. Donc, il ne sort jamais. Mais j'ai-tu un contrôle, moi? Est-ce que moi, j'ai un contrôle sur sa puissance? Est-ce que j'ai un contrôle sur ses capacités? Est-ce que j'ai un contrôle de l'éteindre? Est-ce que j'ai un contrôle de l'électricité à un point tel qui ne fonctionnera plus? Est-ce que je peux empêcher, moi, François, le Saint-Esprit de fonctionner? Bonne question, hein? Est-ce que je peux, moi, l'empêcher de jouer son rôle en moi? Est-ce que je suis plus fort que lui? Parce que Jésus avait dit, si tu veux arrêter Satan de faire ce que Satan doit faire, tu dois être plus fort que Satan. C'est sûr que chasser des démons, monter sa suprématie sur le monde des ténèbres. Il dit, moi, je suis plus fort que Satan. Je suis plus fort que Belzébul. J'ai chassé Belzébul. J'ai chassé 2000 de ces démons. Il dit, oh, je suis plus fort que ces démons-là, je les chasse. Est-ce que moi, je suis plus fort que celui qui est en moi, l'Esprit Saint? Est-ce que juste j'ai un contrôle sur l'Esprit au point de pouvoir, comme on dit des fois, l'éteindre? Tu vas vous compter une chose. C'est en progrès surtout. Aujourd'hui, je suis à Rouyn-Noranda, il y a 20 ans de ça, à peu près. Je prêche sur la thérapie de l'esprit. Je faisais partie de la gang à Sanders qui croyait ça. Là, je suis en train de prêcher pour être rempli de l'esprit, comment on pouvait être rempli de l'esprit, qu'on pouvait. J'avais comparé ça à une champlure. Et là, plus tu avais une vie chrétienne en règle, plus la champlure est ouverte, grosse. Là, tu avais plus de puissance pour fonctionner pour vie. Et plus ta vie était. Quand tu as fait en règle, ça formait la champlure. J'étais bien l'esprit, comme disait le Et donc là, j'étais moins efficace pour Dieu. Et là, quand je suis prêché, je me tasse, je m'assois, et là, j'ai une conviction bien forte dans mon, en moi que ce que je viens de dire, c'est pas possible. Ça ne peut pas arriver comme ça. Ça ne peut pas être vrai. Mais je ne dis pas à moi personne, hein. Je vais m'asseoir. Lundi matin, je suis chez nous, je ressors ma Bible, je ressors toutes mes notes, je recommence à étudier. C'est quoi ça, ça veut dire, ça? Parce que j'ai dit, si Saint-Esprit, je peux l'éteindre, avec quoi je pourrais le réaligner? S'il n'est plus fonctionnel, qu'est-ce qu'il me reste pour pouvoir le remettre en place fonctionnel? Il me reste plus juste la chambre. Il me reste plus juste moi. Je n'ai pas cette capacité-là. Mais le Saint-Esprit, il vient habiter en moi et je ne peux pas l'arrêter de fonctionner. Quand vous péchez, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous convaincre. Il va aller vous voir et vous dire, est-ce que tu viens de faire, c'est pas correct. Là. Parce que vous ne pouvez même pas être convaincu du péché que vous venez de faire. C'est lui qui est en action pour le faire. C'est lui qui ne va pas vous demander que vous venez faire le péché. Vous allez rester dedans, vous n'allez même pas. Vous allez dire, c'est pas, c'est bon. Vous allez même peut-être dire, c'est ça que Dieu veut. Mais lui, en temps, il dit, ce que tu fais, François, c'est pas correct. Et lui, il va venir par les Écritures, par un frère, par une sœur, me montrer que ce que je suis en train de faire, c'est pas correct. Et c'est lui qui va m'emmener, il va donner la capacité de confesser. Et c'est lui qui va m'emmener à comprendre la vérité et aller de l'avant. C'est lui qui fait ça. Je n'ai pas éteint. Je n'ai pas empêché de fonctionner. Il fonctionne toujours. Il fonctionne toujours. Parce que c'est une œuvre continuelle, perpétuelle, éternelle qui va jouer en nous. Ce personnage qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Et si vous prenez le livre, parce que, je l'ai dit une fois, hein, l'expression « être rempli de l'Esprit » apparaît seulement que dans deux livres dans la Bible, dans le Nouveau Testament. C'est les deux livres qui les citent. Les Actes des Apôtres et Luc, l'Évangile de Luc. C'est juste Luc qui emploie cette expression-là, excepté Paul une fois dans l'Éphésiens. Mais il y a juste Luc qui emploie cette expression-là dans l'Évangile de Luc et dans les Actes de Luc. C'est des soixantaines de fois, c'est 50, 60 fois qu'on parle de l'expression. Et toujours, toujours, toujours, toujours, le verbe est au passif. Ça veut dire que le sujet subit l'action. C'est jamais le celui qui est rempli qui fait l'action. Il se fait remplir. Élisabeth fut remplie. Zacharie fut remplie. Acte 2, les apôtres et les chrétiens furent remplis de celui-ci. Ce n'est pas Pierre, voulant prêcher, essaie de se remplir, là il va prêcher. Mais étant rempli, Pierre prêche. Étant rempli, il fait ceci. L'Église étant remplie de l'Esprit, il fait ceci. On va en lire quelques-uns pour qu'on puisse comprendre. Dans Acte 4, verset 8, alors Pierre, rempli d'esprit, leur dit, chef du peuple, ancien Israël, étant rempli de la puissance de Dieu, il fait ce que Dieu avait dit, il dit, je vais vous remplir de mon esprit, vous allez être mes témoins. Pierre se lève, étant rempli d'esprit, il part. Ce n'est pas quelque chose que lui a fait, mais ce que c'est que l'esprit le pousse à faire. C'est ce que le texte nous dit. Dans Acte 13, verset 9, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli d'esprit, fixa les regards sur lui, puis là, il va guérir le paralytique. Hein. Mais c'est toujours des verbes au passif, et les gens subissent une action de la part de l'autre. Et cet esprit les remplit, et ils font quelque chose. Dans Acte 6, verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chercherons de cet emploi. Prenez des hommes, il n'est pas en train de leur dire, là, cherchez dans l'Église ceux qui sont remplis, puis choisissez ceux qui ne sont pas, prenez la porte. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, prenez des hommes parmi vous, dans l'Église, qui vont faire ça. Prenez des hommes dans l'Église qui vont faire ça. Parce que tous les hommes de l'Église étaient remplis d'esprit, là, tous les femmes aussi. Mais choisissez parmi vous, pas de l'extérieur, parmi vous, des hommes qui sont remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Donc c'est pas Il faut pas voir ces hommes-là comme des exceptions à la règle, mais c'est la norme, tout le monde est comme ça. Dans le chapitre 7, verset 55, « Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixe le regard vers le ciel, il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. » Étienne étant rempli, c'est un état d'être. Vous comprenez? C'est comme, t'es rempli, c'est comme ça que tu vis, c'est comme ça que t'es rempli. Et tu pars, tu agis, tu fais des choses, tu fais pas certaines choses, parce que c'est l'Esprit qui te pousse à l'intérieur à faire ces choses-là. On a vu tout à l'heure Ananias, et je pourrais vous en donner un autre dans Acte 11, verset 24. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, une foi assez nombreuse, se joignit au Seigneur. Donc, encore une fois, c'est Philippe qui, dans ce texte-là, je pense, qui est rempli d'Esprit Saint et de foi, rempli de foi, comme rempli d'Esprit Saint, et il va prêcher l'Évangile et beaucoup se convertissent. Mais tout au long, si vous n'êtes pas convaincu que c'est comme ça, faites une recherche dans la Bible et dans les Actes des Apôtres et sortez toutes les expressions que vous trouvez. Vous allez voir, c'est toujours une action que le chrétien subit de la part du Saint-Esprit. C'est souverain. C'est souverain de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut craindre de perdre ou de ne pas perdre. Vous pouvez désobéir au Saint-Esprit. Vous pouvez désobéir au Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Mais vous ne l'empêchez pas de fonctionner. Il va vous convaincre dans sa grâce, dans sa miséricorde, avec, par les Écritures, il va vous convaincre ce que tu viens de faire là, c'est mal. Et finalement, on va confesser, finalement, on va continuer avec les chrétiens. C'est lui qui fait l'œuvre. Nous devons accepter ça. Je crois que c'est un manque de compréhension, de penser qu'on peut, nous, changer ce que l'Esprit veut faire. C'est de penser que nous, la créature, on aura un contrôle sur le Créateur. Je crois que c'est une erreur de penser ça. Et peut-être que vous vous dites ensemble, François, qu'est-ce que ça veut dire d'abord être un esprit? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord attrister l'esprit? Mais ça ne contredit pas ce que les amateurs pouvaient être bien sûr. Ça ne contredit pas ce qu'il était amateur. J'ai attristé ma femme bien souvent. Elle est encore ma femme. Elle n'a pas arrêté d'être ma femme à cause que j'ai attristé. Je peux attrister l'esprit parce que, dans le contexte, je ne fais pas ce qu'il m'a montré, mais je n'empêche pas de fonctionner. Je ne diminue pas sa force. Et éteindre l'esprit, on va voir plus en détail, mais éteindre l'esprit, c'est dans le contexte de. Savez-vous où est-ce que c'est marqué? Je vais te faire un test. Le contexte d'éteindre l'esprit, c'est quoi? Tout le monde connaît le verset pourtant. C'est quoi le contexte? Quoi ça a été dit? Pourquoi est-ce que Paul dit ça? Là, je donne un indice, il voulait juste des épreuves de peur. Pourquoi est-ce que Paul a dit? Bien! Oh, oui. Vas-y, la force. Il faisait? Bien! Vas-y, la force. Oui, oui, c'est dans quel livre ça, c'est lui? C'est pas une chanson. Ah, c'est une chanson? Allez, c'est une bonne chanson, c'est une bonne chanson. Thessalonicien. Thessalonicien. C'est 4 ou 5, là. Je pense que c'est 2. Si c'est 2, c'est pas plus que 3 chapitres. Mais 3 chapitres, c'est dans le ou c'est dans le naturel, je ne peux pas aller plus proche que ça. Thessalonicien. Mais dans le contexte, vous savez ce qui se passait? L'Église était en prise avec des faux docteurs et des faux prophètes. Et la tendance qu'ils ont eue, c'est quoi? Ils ont tout repoussé ça dehors, ce moment-là, ils disent, on n'écoute plus personne. Non, non, ils ne disent pas ça. Ils disent, si vous empêchez les prophètes de parler, vous éteignez l'Esprit, l'Esprit ne peut plus vous parler, l'Esprit ne peut plus vous conduire, l'Esprit ne peut plus s'adresser à vous parce qu'elle s'adresse à vous à travers les prophètes. Vous avez déjà pas la bête d'épée dans ce temps-là. Donc, comment est-ce que tu parlais à son peuple? Ça travaille des prophètes. Et si vous faites fermer la gueule en québécois à tout ce monde-là, bien, les esprits ne peuvent parler, ne peuvent conduire. Donc, au contraire, écoutez-les tous. Et retenez ce qui est bon pour ce que vous dites et ce qui est mauvais, mais de ce côté. Éteindre l'esprit aujourd'hui, on voudrait, je suis sur le traduit aujourd'hui, c'est ça qu'un chrétien qui dirait. Je n'écoute plus la Bible, je n'écoute plus personne qui me parle de Dieu, je ne peux rien savoir, j'entends plus rien. Jérémie, là, tu es en train d'éteindre l'esprit. Parce que là, tu, il ne peut plus te parler, il ne peut plus te conduire, il ne peut plus t'enseigner, il ne peut plus te diriger par la vérité. Mais si tu es croyant, il va venir par les vérités que tu as déjà acquises. Il va te convaincre, il va te montrer que tu peux encore une fois écouter les Écritures ou les lire. Parce que, encore une fois, c'est des fois le pouvoir, c'est de voir ça comme une switch, je ferme cet esprit, ah, il ne peut plus fonctionner. Mais non, mais non. OK? Donc, on va en parler un peu plus loin de ce moment en détail. Donc, ce matin, la vérité apprise, c'est on était rempli de cet esprit de façon souveraine et on est rempli de façon souveraine constamment, tout le temps dans notre chrétien, sans jamais arrêter. Souverain, ça veut dire que c'est quelque chose qui agit sur moi. Un souverain, c'est quelque chose que contrôle sur moi, qui peut me dicter, qui peut me conduire, qui peut. Parce que le souverain, c'est celui qui pouvait faire la loi. Tu ne pouvais pas l'empêcher. Il tombe dessus de toi. Qu'est-ce qu'il veut, le souverain? Les souverains humains peuvent se faire tirer à la même chose qu'avec les souverains, on peut les empêcher, qu'est-ce qu'ils veulent. Comme un peu les yeux dans le choc des titans. Les humains pouvaient arrêter les dieux de faire ce qu'ils voulaient. Mais pas notre Dieu. Pas notre Dieu. Notre Dieu est au ciel, assis sur son trône, et il fait tout ce qu'il veut. Donc, lui agit sur moi, et il va m'emmener à faire les ouvrages qu'il veut que je fasse. Comme dans le site Sénat, vous l'avez vu, dans Éphésiens, c'est marqué, Dieu nous a créés afin de pratiquer certaines œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est la même vérité que dans l'Exode. Dieu vous a sauvé, il vous a régénéré, il vous a rempli de son esprit, parce que les œuvres qu'il veut que vous fassiez, et je vous garantis que vous allez les faire. Vous allez les faire. On n'est pas plus fort que Dieu, et c'est ça qui nous réjouit, c'est ça qui nous sécurise, c'est ça qui nous donne la paix. On n'est pas plus fort que lui. On s'est soumis à lui, on s'est jeté dans ses bras, on dit, mais fais de ma vie ce que tu veux, Seigneur. Et il dit, je te prends, je vais me servir de toi. Prions ça. Notre Père du ciel, après tout ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient de faire, tout ce que nous voulons faire, c'est merci. Merci que tu nous as rempli de ta présence. Merci que tu es venu habiter dans nos cœurs. Nous sommes dans ta maison. Tu le dis différemment dans les Écritures. Tu nous dis que Dieu va habiter en nous, Jésus va habiter en nous, que cet esprit va habiter en nous. Que ce soit les trois ou un, seul des trois, c'est la même chose. Ils sont pareils, ils sont identiques, ils sont le même Dieu. Et merci que tu nous dis dans les Écritures ce matin encore une fois, que tu es là pour y rester dans tes enfants. Que tu es là pour être notre puissance, notre lumière. Tu es là pour nous guider, pour nous conduire, pour nous donner la force de faire ce que tu veux qu'on fasse. Nous avons cette paix intérieure. Que tu es plus fort que nous. Que tu es plus fort que notre chair. Nous croyons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pour ça que nous pouvons dire aujourd'hui, j'ai la conviction profonde d'être sauvé, parce que nous croyons que tout dépend de toi et non pas de nous. C'est au nom de Jésus, notre Sauveur, que nous te prions. Amen.